tu fais ne m'atteint plus. T'es une moitié de moi, mais quand t'es parti, y'a quelque chose que t'as rompu. Même si c'était juste de prendre la porte, je te reproche d'avoir rien fait pour m'avertir. Même après avoir emprunté la porte, je te reproche d'avoir rien fait pour revenir. Oh, oh, oh, maintenant c'est ta faute si j'ai mal. Quand je t'imagine dans les bras d'un autre, maintenant c'est ta faute si j'ai mal. Quand j'imagine si tu dois parcourir le long de ton corps. Et j'en souffre, oui j'ai mal de toi ailleurs. Et je voulais t'acheter toutes les montres du monde, mais t'es la seule qui me donne valeur. Et j'en souffre, t'es la cause de mon malheur. Et je pourrais avoir tous les diamants du monde, mais aucune d'elles n'a ta valeur. Je prie, Dieu m'entend pas. S'il te plaît, pars pas loin de moi. J'imagine pas ma vie avec une autre. S'il te plaît, pars pas loin de moi. Parce que c'est ta faute si j'ai mal. Quand je t'imagine dans les bras d'un autre. Maintenant c'est ta faute si j'ai mal. Quand j'imagine si tu dois parcourir le long de ton corps. Et j'en souffre, oui j'ai mal de toi ailleurs. Et je pourrais t'acheter toutes les montres du monde, mais t'es la seule qui me donne pas l'heure. Et j'en souffre, t'es la cause de mon malheur. Et je pourrais avoir tous les diamants du monde, mais aucune d'elles n'a ta valeur. Et j'en souffre, mais j'ai mal de toi d'ailleurs. Je pourrais t'acheter toutes les montres du monde, mais t'es la seule qui me donne pas